Voici une synthèse astérisque astérisque sourcée et actualisée astérisque astérisque, novembre 2025, des informations clés sur Ousmane Sonko et le PASTEF, intégrant les dernières évolutions politiques et les tensions récentes. Ces éléments pourront directement nourrir votre livre, notamment pour les chapitres sur la montée en puissance du PASTEF, la gestion du pouvoir, et les défis actuels. Dièse astérisque astérisque Ousmane Sonko, parcours et position actuelle astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque 1. Parcours professionnel et politique astérisque astérisque. Astérisque astérisque naissance et formation astérisque astérisque, né le 15 juillet 1974 à Thiès, Ousmane Sonko est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal. Il a travaillé comme inspecteur des impôts et des domaines. Astérisque astérisque engagement syndical astérisque astérisque, fondateur et secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SED, il a dénoncé des anomalies fiscales et budgétaires, ce qui a conduit à sa radiation de l'administration en août 2016. Dièse astérisque astérisque 2. Ascension politique astérisque astérisque. Astérisque astérisque fondation du PASTEF astérisque astérisque, créé en 2014, le parti PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, se positionne comme un mouvement de rupture avec le système politique traditionnel. Astérisque astérisque député et maire astérisque astérisque, élu député en 2017, il a terminé troisième à la présidentielle de 2019 avec 15,67% des voix. En 2022, il est devenu maire de Ziguinchor, une base électorale clé. Astérisque astérisque candidature présidentielle de 2024 astérisque astérisque, bien qu'empêché de se présenter en raison de condamnations judiciaires controversées, Sonko a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté l'élection présidentielle en mars 2024. Dièse astérisque astérisque 3. Premier ministre du Sénégal astérisque astérisque. Astérisque astérisque nomination astérisque astérisque, nommé Premier ministre le 2 avril 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye, Sonko est devenu une figure centrale du gouvernement, chargée de mettre en œuvre les réformes promises par le PASTEF. Astérisque astérisque réforme phare astérisque astérisque, parmi ses premières mesures, l'interdiction des chalutiers chinois dans les eaux sénégalaises a été saluée comme une victoire pour la souveraineté économique et la protection des pêcheurs locaux. Dièse astérisque astérisque le PASTEF, un parti en mouvement astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque 1. Fondation et dissolution astérisque astérisque. Astérisque astérisque création astérisque astérisque, fondée en 2014, le PASTEF s'est rapidement imposé comme une force d'opposition radicale, prônant la transparence, la lutte contre la corruption, et la souveraineté nationale. Astérisque astérisque dissolution et rétablissement astérisque astérisque, dissous en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, le parti a été rétabli le 27 mars 2024, trois jours après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Dièse astérisque astérisque 2. Succès électoraux récent astérisque astérisque. Astérisque astérisque élection législative de novembre 2024 astérisque astérisque, le PASTEF a remporté une victoire écrasante avec astérisque astérisque 130 sièges sur 165 astérisque astérisque à l'Assemblée nationale, 78% des sièges, lui donnant une majorité absolue pour appliquer son programme de réforme. Astérisque astérisque mobilisation de la diaspora astérisque astérisque, les sections du PASTEF à l'étranger, Europe, Amérique, Moyen-Orient, ont joué un rôle clé dans la mobilisation et le soutien à Sonko, notamment lors des tensions récentes avec le président Diomaye Faye. Dièse astérisque astérisque tensions actuelles, novembre 2025, Sonko vs Diomaye Faye astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque 1. Contexte des divisions astérisque astérisque. Astérisque astérisque nomination d'Aminata Touré astérisque astérisque, la nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition au Diomaye président en novembre 2025 a cristallisé les tensions entre Sonko et Diomaye Faye. Cette décision, perçue comme une tentative de marginaliser le PASTEF, a provoqué une fracture au sommet de l'État. Astérisque astérisque absence de Sonko aux réunions clés astérisque astérisque, son absence à une audience au palais présidentiel avec Diomaye Faye a alimenté les spéculations sur l'état de leur relation, certains y voyant un signe de désaccord profond. Dièse astérisque astérisque 2. Soutien de la diaspora et des militants astérisque astérisque. Astérisque astérisque communiqué de la diaspora astérisque astérisque, plusieurs sections du PASTEF à l'étranger, Suisse, Allemagne, Koweït, etc., ont réaffirmé leur soutien à Sonko, le qualifiant de garant du projet initial et appelant à l'unité autour de sa vision. Astérisque astérisque réaction interne astérisque astérisque, malgré les appels à la démission, Sunko a réitéré sa détermination à rester en poste, déclarant, astérisque astérisque, je ne démissionnerai pas, je n'irai nulle part, astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 3. Enjeu pour le Sénégal astérisque astérisque. Astérisque astérisque stabilité politique astérisque astérisque, la crise entre Sonko et Diomé Faye risque de fragiliser la gouvernance, d'autant que les militants du PASTEF et la diaspora se mobilisent massivement en faveur de Sonko. Astérisque astérisque réforme en suspens astérisque astérisque, les tensions pourraient ralentir la mise en œuvre des réformes promises, souveraineté monétaire, gestion des ressources naturelles, etc. Dies astérisque astérisque perspective et défi astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 1. Réformes économiques et souveraineté astérisque astérisque. Astérisque astérisque pêche astérisque astérisque, l'interdiction des chalutiers étrangers a permis aux pêcheurs sénégalais de retrouver des ressources halieutiques, réduisant leur dépendance à la Mauritanie. Astérisque astérisque France CFA et base militaire astérisque astérisque, Sonko continue de porter le débat sur la sortie du France CFA et le retrait des bases militaires françaises, bien que ces réformes restent en discussion. Dies astérisque astérisque 2. Relations internationales astérisque astérisque. Astérisque astérisque coopération sud-sud astérisque astérisque, Sonko mise sur des partenariats avec d'autres pays africains, Burkina Faso, Mali, Niger, pour renforcer la souveraineté du Sénégal. Astérisque astérisque tension avec la France et la Chine astérisque astérisque, ses positions fermes sur les accords militaires et les licences de pêche ont suscité des réactions diplomatiques, mais aussi un soutien populaire fort. Dies astérisque astérisque source récente, 2024 à 2025, pour approfondir astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque BBC Afrique astérisque astérisque, Ousmane Sonko et la crise politique au Sénégal, https://www.bbc.com/afrique/article/cp86r47drvzo, juillet 2025. 2. Astérisque astérisque CNews astérisque astérisque. Divergence avec Diomé, la décision radicale de Sonko. https://www.sunnews.com/actualité/divergence-avec-diomé-la-décision-radicale-prise-par-ousmane-sonko-devant-les-cadres-du-tiret-pastef-ba. 566771.html novembre 2025. Crise Sonko-Diomé, réaction de la diaspora. https://www.sunnews.com/actualité/crise-sonko-et-diomé-forte-réaction-de-la-diaspora-se-que-10-les-sections-pastef-ba. 566913.html novembre 2025. 3. Astérisque astérisque Sénéweb astérisque astérisque, le pastef de la diaspora s'érige en bouclier de Sonko. https://www.sénéweb.com/news/politique/politique-crise-au-sommet-de-la-diaspora-se-rige-en-bouclier-de-la-tirée-diaspora-se-rige-en-bouclier-de-la-tirée-sonko-ba-n-47523-7.html novembre 2025. Dies astérisque astérisque prochaines étapes pour votre livre astérisque astérisque. Astérisque astérisque interview astérisque astérisque, contactez des militants du PASTEF, des pêcheurs, ou des experts en économie pour des témoignages directs. Astérisque astérisque analyse des discours astérisque astérisque, étudiez les déclarations récentes de Sonko, 2024 à 2025, sur la souveraineté, le panafricanisme, et les réformes. Astérisque astérisque comparaison avec d'autres leaders astérisque astérisque, mettre en perspective son action avec celle de Thomas Sankara, Burkina Faso, ou Ibrahim Traoré, Burkina Faso actuel. Astérisque astérisque question astérisque astérisque, souhaitez-vous que je développe un chapitre spécifique, exemple, la réforme de la pêche ou les tensions Sonko-Diomé, en intégrant des citations et des données précises, ou préférez-vous des pistes pour trouver des archives ou des interviews ?